d'Irlande. Forse qui t'es, car tout s'arrête avec l'été, l'ami. Les feuilles sont tombées sur les routes gelées, la pluie. Canon courait sur les chemins, pavés de fêtes, mouillés de vin, la vie. Non, chansons nous disait que cela dit heureux la vie. Au revoir, au revoir, qui sait jamais tout peut recommencer. Au revoir, au revoir, il faut croire en l'été, l'ami, l'harmonica, chante sans nous, ils sont encore, les quatre sont l'ami, un jour il sait, il t'aide, chacun aura changé. L'ami, au revoir, au revoir, qui sait jamais tout peut recommencer. Au revoir, au revoir, il faut croire en l'été, l'ami.